cornichonesque malandrin, donne-le-moi. Mais c'est un plat à barbe. Un plat à barbe. Savez-vous seulement ce qu'est cela? C'est le casque d'or de Mamberino. Oh toi, casque d'or de Mamberino, que j'espérais depuis toujours, le ciel t'envoie comme une étoile. À moi la gloire, à moi l'amour. Casque d'or de Mamberino, je le jure sur ton histoire, je le jure sur mes victoires. Je serai ta vie, tu seras ma gloire. Je crois entendre le coco qui chante dans le coucoutier. S'il te dit que c'est de l'or, pourquoi vouloir le contrarier? Mais enfin, il n'y a pas plus d'or que de beurre en broche ou chevalier. Je crois entendre le coucou qui chante dans ton coucoutier. Casque